plus joyeux que la comté, plus hâtif que Vif Sorbier, voici Radio Syrah. Approchez voyageurs et écoutez le programme de la journée. Un numéro court ce mois-ci, qui débutera par un entretien avec Luna des Larmes de Feu, présenté par Epi. Après une courte page de réclame, nous retrouverons votre série policière favorite, Bré Noir. Puis nous achèverons ce numéro par un passage musical, comme il se doit pour attendre le mois prochain. Puisse votre écoute vous rendre un peu plus riche en rire et en sagesse. Bonjour à tous, ici Épi d'Azachou et Pomme d'Épi, nous allons passer à l'entretien du jour et pour cette émission de janvier, nous accueillons Luna dans nos studios. Bonjour Luna, comment vas-tu ? Coucou Épi, ça va très bien et toi ? Eh bien oui, super, mais je suis contente de reprendre un peu du service parce que du coup, j'ai pas trop participé à l'émission de novembre et de décembre, donc voilà, c'est avec plaisir que je reprends un petit peu les interviews. Alors, on va commencer par te présenter très rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Donc, tu es la chef de la confrérie Les Larmes de Feu sur Syrah. Tu t'occupes aussi de gérer des événements pour l'ensemble de la communauté. Tu fais aussi donc les réunions de représentants de confrérie dont on parlera juste après. Mais tu as préparé aussi une IRL à Lyon qui s'organise bientôt. Donc, pareil, on dira un petit mot là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié ou que tu voudrais corriger par rapport à tout ce que je viens de dire ? Écoute, non, ce sont tous des projets en cours, donc rien de plus. On va en parler en détail, je pense. Ça marche. Je précise du coup pour nos chers auditeurs que l'entretien que nous faisons en ce moment a été enregistré fin décembre. Je le précise notamment pour les moments où on risque de parler peut-être de la mage à venir qui sera en janvier, etc. Donc voilà, nous on n'est que fin décembre, donc on ne sait pas tout. Voilà, c'est normal si on dit des bêtises. Alors, on va commencer du coup tout de suite par ta confrérie, Les Larmes de Feu. Est-ce que tu peux nous présenter très rapidement la confrérie, peut-être l'ambiance, le nombre d'actifs, l'organisation générale, etc. Bien sûr. Ben, écoute, tout simplement, la confrérie des Larmes de Feu a été créée sur Cyranon il y a maintenant bientôt 12 ans. C'était en avril 2007. J'étais déjà là avec une petite elfette ménée toute fragile en coton, c'était il y a très longtemps. Et donc le temps passe vite, on a eu un petit peu des hauts et des bas en termes de présence, puisque bon, il y a beaucoup de joueurs qui avaient été un petit peu lassés par le manque de contenu de l'Otro à un certain moment. Ils sont partis sur d'autres jeux, enfin la vie d'une confrérie classique. Et puis ça fait un petit peu plus de 3 ans qu'on a décidé de relancer le recrutement parce qu'on avait envie quand même de redonner un petit peu une deuxième vie en fait à notre confrérie à laquelle on tenait beaucoup. Donc maintenant depuis ces 3 dernières années on a quand même beaucoup évolué en termes de nombre de joueurs et aussi en termes de façon de jouer tout simplement. D'accord. En ce qui concerne l'ambiance, évidemment, il y a une très bonne ambiance, on va pas te dire le contraire, tout se passe bien. C'est une ambiance, je dirais, plutôt de bande de potes. Maintenant, on se connaît la plupart depuis un petit moment. En termes d'effectifs, ça varie puisque comme nous sommes une confrérie sans contrainte en termes de temps, donc les gens se connectent un petit peu comme ils peuvent, quand ils peuvent et comme D'accord. ils peuvent. Donc oui, je voulais dire aussi, c'est vrai qu'au niveau de l'ambiance, ça se voit quand même que vous vous connaissez assez bien. Il y a quand même un noyau dur, on va dire, autour, enfin, dans votre confrérie. On sait que vous avez fait une IRL, par exemple. C'est quand même des choses. Voilà, qui peuvent être super intéressantes quand on rentre dans une conf, de pouvoir rencontrer les autres, etc. Alors, effectivement, alors il y a un noyau dur de joueurs qui sont là depuis la reprise, on va dire. Nous avons fait des IRL même au tout début de la confrérie, il y a une dizaine d'années, donc on en avait fait quelques-unes et c'était déjà un esprit très sympa. Et du coup, au mois de novembre, on a voulu... répéta et du coup on s'est rencontrés On était une quinzaine à peu près de joueurs. Ça s'est super bien passé. Et effectivement, ça solidifie de toute façon les liens. Toujours par rapport à la confrérie, je voulais vous demander si vous recrutiez toujours ou si vous aviez des périodes où vous recrutiez pas du tout, certaines classes, etc. Et comment est-ce qu'on peut faire pour vous contacter ? Voilà, plutôt le forum, plutôt le Discord. Je te laisse nous préciser tout ça. Nous sommes dans une phase de recrutement. En fait, j'ai tendance à laisser quand même ouvert le recrutement parce que c'est difficile aujourd'hui d'avoir un effectif quand même fixe, même si on est une confrérie quand même très active. Il y a des joueurs qui partent, il y a des joueurs qui font des pauses. Donc, on est toujours en recrutement ouvert pour toutes les classes, tous les niveaux. En général, on vient chez nous parce que on apprécie notre ambiance. Vous pouvez postuler via notre forum www.larmedefeu.com ou bien via le Discord si vous avez besoin, on peut communiquer le lien, ou bien vous contacter un officier dans le jeu. Il n'y a pas de souci, tout le monde sera apte à vous répondre si vous souhaitez avoir plus d'informations. Ok, merci. Bah, du coup, on mettra les liens en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, donc le forum et le Discord de la confrérie des Larmes de Feu. Et pour finir, du coup, sur ta confrérie, je voulais te demander quelles étaient vos principales occupations en jeu. Alors, comme vous recrutez tout le niveau, on suppose qu'il y a du leveling, on suppose qu'il y a peut-être aussi un petit peu de PVHL, de PVP, peut-être même de RP. Alors oui, on fait un petit peu de tout, mais alors beaucoup de joueurs sont surtout sur le leveling, ils sont pas forcément intéressés à faire que du HL, donc en fait on fait un petit peu de tout, on essaye d'avoir des groupes de joueurs qui touchent un petit peu à tout. Pour tout ce qui est RP, c'est pareil, on en fait très très peu, mais il y a un petit peu de demande, donc certains joueurs s'y collent, comme le PVP. Voilà, on essaye d'avoir vraiment l'esprit ouvert et d'essayer d'arranger tout le monde, mais on n'est pas spécialisé sur quelque chose de particulier. Ok, ça marche. On fait du coup un petit point sur le PVEHL et notamment sur la prochaine sortie de mise à jour, enfin la prochaine mise à jour qui va sortir, pardon. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ? Est-ce que vous avez un objectif là-dessus ? Comment ça va se passer pour vous ? Alors, nous sommes dans la phase où nous rendons un groupe fixe, plus ou moins fixe, pour aller s'entraîner sur le prochain raid. Pour l'instant, évidemment, l'objectif, c'est de l'essayer, de le passer un jour. Par rapport à d'autres confréries, c'est vrai qu'ils ont peut-être l'habitude de tomber les raids très rapidement en HL. Nous, on prend le temps, on n'est pas forcément toujours très bon, mais on y passe des soirées, on essaye de d'avancer à notre façon, à notre rythme, quitte à mourir, c'est pas grave, un jour on y arrivera. Donc, mais on le fait toujours avec la bonne humeur, on se prend pas la tête. Donc, le but, c'est effectivement, on le tombera peut-être un jour, mais voilà, pour l'instant, on va y travailler. D'accord, mais du coup, voilà, vous avez quand même l'idée de faire la découverte, la réflexion autour du contenu, etc. Donc, c'est plutôt intéressant, je pense, pour les gens qui cherchent un peu comme vous. Et je pense que sur l'autre, c'est ce qu'il y a en majorité. Donc, ok, c'est intéressant. On a hâte de le découvrir comme tout le monde, puisque ça fait plaisir de voir qu'il y a encore du contenu qui est développé. Donc, oui, hâte de découvrir le nouveau raid. Ok, d'accord. Bah merci. C'est à peu près tout pour les questions autour de la confrérie. On en reviendra peut-être au fil de la conversation s'il y a des choses qu'on a oubliées. Il n'y a pas de souci. Je voulais en venir aux réunions des représentants de confrérie. Alors, si je dis pas de bêtises, au début, ça s'appelait les réunions des chefs de confrérie. C'était la même chose, en fait. Et il y en a déjà eu trois. Est-ce que tu peux nous en parler, peut-être comment est-ce que l'idée est née ou pourquoi tu as eu envie de faire ces réunions ? L'idée des réunions est arrivée en fait au mois d'août. Je me suis posé la question dans une période où je voyais beaucoup de joueurs quitter l'Otro. J'ai eu un petit peu peur en fait de voir toute cette érosion de joueurs Et l'idée est venue effectivement d'en parler aux responsables des autres confréries. Donc effectivement, au tout début, j'avais appelé ça réunion des chefs de confrérie. Bon, c'était un petit peu un titre donné rapidement. Donc effectivement, c'est mieux d'appeler ça donc la réunion des représentants des confréries de Cyranone. Donc l'idée est partie de là au mois d'août. On a fait une toute première réunion lancée un petit peu à la va-vite, où j'ai remarqué qu'en fait il y avait une demande de la part des autres responsables de mettre en place des choses, en tout cas d'en discuter pour essayer de faire de mettre en place des projets d'event. D'accord. Ou des projets en tout cas pour faire vivre notre serveur. Et du coup, on est déjà effectivement à la quatrième réunion qui aura lieu mi-janvier. Il faut savoir que pendant ces réunions, actuellement, nous avons environ 20-25 personnes de présentes. Et ça fait plaisir parce qu'on voit que les gens répondent présents et que il y a des choses qui peuvent être mises en place. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, de ce qui a pu être mis en place ou des propositions qui ont été faites, des choses qui ont été travaillées avec l'équipe ? Alors, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. Tout d'abord, vous avez dû tous fréquenter, on va dire, le Discord communautaire de Cyranone. C'est un projet qui est né grâce à ces discussions, qui a été mise en place par le groupe de travail qui en est issu. Donc, je trouve que c'est une très bonne initiative. C'est un Discord qui regroupe en fait plusieurs informations, que ça soit les annonces, que ça soit des canaux de discussion textuels ou vocaux, et ça permet de regrouper un petit peu les infos pour toute la communauté de notre serveur. Donc ça, c'était une excellente initiative. Ensuite, nous avons essayé de prévoir un calendrier chaque mois, enfin du moins mensuel, voire bimensuel, de event, que ça soit sur du PVP, par exemple, la relance du PVP, ou bien des jeux. D'accord, le côté plutôt animation, event, animation. Les concerts et quoi été relancé, etc. D'accord. En tout cas, je voulais insister sur un point, sur le fait que ces réunions sont ouvertes à tous. Si vous êtes responsable d'une confrérie, qu'elle soit plus ou moins active, ou bien si vous êtes un joueur qui a des idées à nous soumettre, il faut pas hésiter à venir nous en parler. Je suis joignable de toute façon tout le temps. Vous pouvez également venir participer en vous inscrivant sur le Red Planner lorsque vous voyez que une de nos réunions vont être mises en place. On va s'intéresser du coup au dernier ou avant-dernier, je ne sais plus, sujet, qui est du coup le projet que tu as mis en place, qui est l'IRL à Lyon. Donc c'est une sortie IRL qui concerne l'ensemble des joueurs francophones, je dirais même de l'autre, enfin plutôt pour Cyranone bien évidemment, mais voilà, les joueurs francophones. Ça se passe donc à Lyon, ça se passe le 2 février en soirée, et voilà, on a vu que tu avais prévu quand même tout un tas de choses pour les gens, comment s'héberger, où est-ce qu'on va manger, etc. Donc ça a l'air d'être quand même assez bien rodé. Est-ce que tu peux juste nous expliquer comment t'es venue cette idée, voilà, d'organiser une sortie pour tous les joueurs de l'Otro? Alors effectivement, tu as bien résumé, c'est une sortie IRL qui est proposée à tout le monde, tout le serveur. Ça nous est venu lors de notre réunion IRL des larmes de feu, donc en novembre. Ça s'est super bien passé et en déjeunant avec une personne qui m'est chère, ma chère Épi. Oui. L'idée m'est venue de t'en parler. J'ai dit bah tiens, c'est vraiment une bonne idée, on pourrait essayer de faire ça, sachant que effectivement on n'a pas de visibilité sur le nombre de personnes à qui ça pouvait intéresser. Donc les inscriptions sont ouvertes jusqu'à mi-janvier, mais du coup ça sera déjà passé. On verra, je sais pas, on verra. C'est tant pis pour vous. C'est déjà passé, mais. Non, mais c'est vrai que Lyon avait été pensé, enfin, on avait d'abord pensé à Paris, c'était pas mal Paris, mais c'est loin quand même pour tous ceux du Sud. L'avantage de Lyon, c'est que c'est sur aussi une grande voie de TGV, enfin, voilà, la ligne Marseille-Lyon-Paris-Lille, quoi. Donc, c'était quand même effectivement assez pratique. Et pour la date, je crois que ça a été choisi un peu arbitrairement, parce que de toute façon, fallait bien en choisir une. On sait que ça peut pas convenir à tout le monde. On sait que si on l'avait mis pendant des vacances scolaires, ça aurait pas été forcément pratique pour tous ceux qui partent, si ça s'était tombé, voilà. Enfin, bon, il y a toujours des gens qui, voilà, que ça, pour lesquels ça ne va pas convenir. Pour lesquels ouais. ça va pas convenir. Mais bon, je pense que ça a été fait au mieux. Et puis voilà. Et puis il faut bien commencer un jour. Et on avait envie de proposer ceci aux joueurs. Et aussi parce que avec le temps, on a noué des amitiés qui dépassent un petit peu parfois le jeu. Et donc, c'était la bonne occasion pour enfin essayer de se rencontrer tous ensemble lors d'une soirée, par exemple. Voilà. Voilà. En tout cas, je ne sais pas quand cet entretien sortira. Effectivement, c'est la question. Ce sera peut-être fin janvier. Donc, la date, entre guillemets, limite pour s'inscrire sera peut-être déjà dépassée. Mais... voilà, je pense que même après cette date, si on en parle gentiment à Luna, finalement, je veux venir. Il y a peut-être moyen de trouver quelque chose. Place. Voilà. Du moment que c'est pas 150 personnes qui se manifestent effectivement au dernier moment, là, ce serait compliqué parce que faut bien imaginer aussi qu'il y a toute une organisation derrière. Si on est très nombreux, faut faire rentrer beaucoup de monde dans une salle, etc. Donc voilà, d'où la date limite du 15 janvier. Voilà. Et puis on a essayé de faire au mieux pour effectivement trouver la meilleure solution. Je pense que pour l'instant, pour une première fois, je pense qu'on est bien parti. On verra si beaucoup de personnes répondent présentes. On en reparlera peut-être une prochaine fois. Et puis. Mais oui, absolument. Et c'est à peu près tout pareil pour l'IRL. Eh bien, merci à toi, Luna, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On souhaite une bonne continuation à ta conf et à tous tes projets en cours. Je vous laisse retrouver, comme on l'a dit, le forum et le Discord des Larmes de Feu en barre d'infos. Merci à toi, Luna. Bonne soirée et à bientôt. Ça a été un plaisir. À très bientôt. Vous avez besoin d'un coup de main vestimentaire ? Ou vous voulez tout simplement impressionner en société, ne cherchez plus. Azachou et Pomme d'Épi vous ont sûrement déjà concocté la tenue idéale. Si vous vous sentez plutôt styliste dans l'âme, ou juste désireux de partager un bel ensemble avec la communauté, n'hésitez pas à nous proposer votre propre tenue. Le site est également à la recherche de rédacteurs. Contactez Aza ou Épi pour plus de renseignements. Les liens sont en barre d'infos. Merci. Retrouvez à présent votre feuilleton radiophonique favori, Bré Noir. La pluie tombait sur les hauts de la ville, comme autant de dagues cherchant à percer le cœur, cliquetant dans le noir sur son armure de pavé. Une nuit comme les autres sur Bré, blafarde, brumeuse et boueuse, résonnant uniquement des échos étouffés des ivrognes maussades et des criminels tapis dans les ombres. Par la fenêtre de mon bureau, j'observais l'agitation, même par ce temps, par cette heure, dans le quartier des Boues. Ce quartier qui ne dort jamais, grouillant de petites mains prêtes à tout pour s'extirper, même une seconde, de la lit de la cité. Les affaires n'avaient pas été bonnes dernièrement. Depuis que le guet s'était séparé de moi, tout avait été de mal en pis. Mais je n'étais pas le plus à plaindre. Au moins, j'étais au sec, avec des bougies pour remplacer celles qui jetaient ses ombres sur mes murs et de l'herbe dans ma pipe. Il faut dire que peu de gens avaient besoin des services d'un enquêteur par les temps qui couraient. L'espoir de trouver une vérité et une justice s'était tout autant dilué que les flaques troubles qui s'écoulaient en gargouillant pour disparaître entre les pavés ébréchés de nos ruelles noires. Trois coups secs me tirèrent de ma contemplation silencieuse. Quelqu'un toquait à la porte et ne tarda pas à rentrer. Une femme, grande et couverte d'une cape grise et ruisselante, qu'elle rejeta pour se révéler. Il s'agissait d'une vraie beauté fatale, brune aux yeux d'opale, dont la courbe des lèvres ne laissait présager derrière sa moue qu'une seule chose, les ennuis. « Je cherche quelqu'un », me lança-t-elle en un soupir. « Ah, comme tout le monde !» La belle m'expliqua que son fiancé, un certain Rick, avait disparu sans laisser de traces il y avait quelques jours. Un érudit, spécialisé dans la fabrication et la vente de teintures noires. Autant dire qu'il devait bien gagner sa vie et faire pas mal d'envieux. Il lui avait donné rendez-vous quelques jours auparavant à la salle des ventes, mais ne serait jamais arrivé à destination. « Je donnerais n'importe quoi », ajouta-t-elle en battant des cils. Je connaissais bien ce genre d'embrouille. De l'argent suffirait. Parce qu'après tout, je n'avais pas vraiment le choix. Si je voulais conserver mon bureau, je devais accepter cette enquête. Je savais même déjà par où commencer, et on ne pouvait pas dire que cela m'enchantait. Il fallait que j'aille fouiner du côté de la plaque tournante du marché noir pour les matériaux de teinture de la région. Le coin le plus dangereux de tout Bray. Le quartier des Hobbits. Une demi-heure plus tard, me voici sur la colline qui surplombe la ville, dont les lumières scintillaient en contrebas, comme le reflet d'étoiles froides à la surface d'un lac endormi. Les Hobbits, eux, ne dormaient pas. À cette heure tardive, leur trafic allait même bon train. Herbe à pipe de contrebande, engrais d'importation, poireaux, tourtes à la viande. Tous ces échanges de marchandises frauduleuses, au nez et à la barbe du guet, qui jamais ne se risquait dans ce vrai coupe-gorge. Se mettre entre un hobbit et sa nourriture, c'est signer son arrêt de mort. Un os de mouton pointu se planta soudainement au sol, devant mes pieds. Et en relevant la tête, je vis l'affreuse trogne de l'un des plus dangereux malfrats du coin. Budo la main froide, l'éleveur de pigeons. « On s'est perdu ?» me demanda-t-il de sa voix si râpeuse que son haleine. Il fallait la jouer fine avec ce genre d'arsouille. Je laissais entendre que je m'intéressais à ces oiseaux, remarquant que certains d'entre eux semblaient mal en point. Le bonhomme était visiblement aussi passionné par ces bestioles qu'on pourrait l'être d'une œuvre d'art. Et il ne se fit pas prier pour me raconter tout ce qu'il y avait à savoir à leur sujet. Comment certains d'entre eux avaient été volés il y avait quelques jours, comment ils étaient soudainement tous rentrés quelques heures plus tôt, et à quel point ils pensaient qu'ils avaient dû manger quelque chose les ayant rendus malades. C'est là que je compris. Son histoire de volatile venait de m'aider à résoudre cette affaire. Je traversais maintenant les rues, au pavé miroitant de pluie qui cherchait désespérément la moindre flamme vacillante pour en refléter la lueur comme des centaines de miroirs avides, me dirigeant vers la destination finale de cette enquête, la planque de Rick. Une bicoque décrépie se cachant dans l'ombre des autres, mais qui avait comme seule particularité notable, outre son plancher vermoulu, de posséder une unique fenêtre donnant sur un des rares jardins de cette partie de la ville, avec une lanterne attirant les papillons de nuit, comme une belle femme attirait les prétendants. Je frappa à la porte, mais évidemment personne ne répondit. Ne m'en laissant pas compter, je fis le tour vers la fenêtre. Elle était ouverte, gueule béante vers des ténèbres plus profondes encore que la nuit, par laquelle je me glissais. L'odeur à l'intérieur était épouvantable, une cacophonie de fragrances sans chef d'orchestre, mais avec une note, un instrument que je ne connaissais que trop bien, l'odeur du sang. Dans la pénombre, penché à jamais sur son établi, Rick gisait, mort. Un éclat froid dans les ténèbres attira mon attention du coin de l'œil. D'un mouvement rapide, je me retourna et attrapa juste à temps le poignet délicat qui s'apprêtait à me planter cette dague dans le dos. Maintenant fermement ma prise, je me retrouvais nez à nez avec ma cliente, le souffle coupé, sa respiration haletante se mêlant à la mienne. Ses yeux tressaillirent, quelques larmes roulant jusqu'à ses joues. « Vous ne comprenez pas, il le méritait. » « Oh, bien sûr qu'il le méritait. » Il avait floué ma cliente, plus encore qu'elle n'avait tenté de me berner. Rick n'était pas son petit ami. Je l'avais deviné dès notre première entrevue. Un fabricant de teinture noire n'aurait jamais permis que sa dame ne porte une cape grise. Il l'avait juste trompé sur la marchandise, et elle souhaitait se venger. Son regard se faisait suppliant, mais cela ne prenait plus sur moi. Un membre du guet arriva bientôt pour récupérer mon précieux colis. « Comment avais-je retrouvé cette planque ?» me demanda-t-il. « Simple. Un escroc tel que Rick avait dû vouloir faire baisser les prix de production de sa teinture, donnant cette mixture de mauvaise qualité qui donnait une couleur grise plutôt que noire. Il avait alors trouvé une solution inventive, volant quelques pigeons et les nourrissant de larves noires des papillons de nuit qui vivaient spécifiquement ici, espérant qu'ils produiraient une matière bien meilleur marché que de l'oxyde de fer. Se rendant compte que ma cliente lui tendait un traquenard à la salle des ventes, il serait vite revenu ici pour libérer les pigeons et effacer l'épreuve. Mais la belle avait dû me suivre pour prendre note de mes déductions et me précéder sur les lieux. Fragile, mais rayonnant dans l'obscurité de Bray, elle me lança un dernier regard, alors que le commis l'emmenait. Oui, il le méritait. Mais qu'importe les raisons, un crime restait un crime. Et cette jolie fleur allait partir en prison, ayant choisi d'avoir la cape teintée de sang, plutôt que de fiente de pigeon. Thank you. Syrah Music. L'heure est venue de reprendre votre route, voyageur. Que votre barbe pousse toujours plus longue, vos poils d'orteils toujours plus soyeux, et vos oreilles toujours plus vives. Jusqu'à notre prochaine édition de Radio Syrah.